Caprice de lecture sur Fadjet, animé par Sarah. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel opus de Caprice de lecture, où aujourd'hui, nous allons voyager à travers la ville de Nancy, mais pas que. Alors ce sera un voyage géographique, mais aussi un voyage temporel, que nous offre Bernard Metzdorf. Bonjour Bernard. Bonjour Sarah. Je suis ravie de vous recevoir aujourd'hui dans cette émission. Ravie et très honorée. Quand on voit votre parcours, je suis vraiment flattée que vous ayez accepté cette invitation. Avec plaisir. Et nous allons parler donc de votre deuxième roman, Les Amoureux de Nancy, donc édité aux éditions La Geste. Alors Bernard, vous étiez enseignant en classe préparatoire littéraire, vous m'avez confié juste avant qu'on prenne le micro que vous continuez à donner des conférences, donc vous êtes un homme plutôt très occupé. Où vous est venu ou d'où vient cette envie d'écrire? Alors c'était Exil de guerre le premier, le si premier je ne me trompe pas. Le premier c'était Exil de guerre. Voilà, et là, Les Amoureux de Nancy. Comment on se lève un matin et on dit tiens, allez, je vais écrire Les Amoureux de Nancy. Voilà, bon, évidemment, tout ça a été en gestation et mon travail professionnel m'a empêché d'écrire quoi que ce soit. Si ouais. Parce que je me suis rendu compte qu'il faut vraiment beaucoup de disponibilité. Et ce n'est pas un hasard si effectivement j'ai rédigé mon premier roman, Exil de guerre, au moment du premier Covid. Je me suis attelé à la tâche 10 heures par jour pendant 60 jours. 10 heures par jour. Oui, je reprécise bien pour que les auditeurs intègrent. Oui, c'est... 7 jours sur 7. Oui, 7 jours sur 7. Je me levais à 7 heures du matin et puis voilà, je mangeais 2-3 heures de l'après-midi. Je m'accordais une petite promenade qui était en fait un moment où je réfléchissais à mon roman. Et où finalement, pour faire mûrir un petit peu les idées. Absolument, les choses se décantaient. Il se trouve que c'était le conseil que je donnais à mes étudiants et que je donne d'ailleurs... un conseil à nos jeunes auditeurs, ne pensez à s'aérer, à sortir, à changer les idées, parce que votre inconscient continue à travailler. Hein, ouais. C'est ce qu'on appelle. Mais c'est vrai qu'en marchant, l'écriture automatique, on trouve des solutions à des problèmes qui nous paraissent insurmontables, et puis on se dit mais en fait la solution elle est là. Ça se décante justement en faisant autre chose. L'inconscient continue à travailler. Et voilà. Et puis je reprenais le travail jusqu'à 22h le soir. Ouais. Quand même. Alors quand vous dites c'était en gestation, c'est-à-dire que bon. Pendant votre vie professionnelle, voilà, on a toutes les contraintes autour aussi, et puis de la vie personnelle aussi, bien sûr. Ouais. Mais est-ce que c'est quelque chose, quelquefois, vous savez, on a un peu l'image de l'écrivain qui a toujours le petit carnet sur lui, etc. Ouais. Est-ce que vous, c'était plutôt ça? C'est-à-dire que vous aviez quelques idées que vous mettiez dans un cahier, un carnet, en vous disant, ça, j'en ferai quelque chose? Ou est-ce que vous avez vraiment attendu d'être complètement dispo pour vous dire, allez, maintenant, j'attaque une deuxième partie? Alors, pas une deuxième partie de ma vie, mais une deuxième partie de mon activité. Ouais. Ça y est, je peux m'y consacrer. C'est vrai que je prenais quelquefois des notes, mais c'était aussi un concours de circonstances. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui m'ont laissé un témoignage oral ou écrit sur la Deuxième Guerre mondiale. Ok. Et puis, il se trouve que dans ma jeunesse, je jouais du côté du fort de Saint-Julien, puisque je suis originaire de Metz. Et il se trouve que le fort Saint-Julien, qui est devenu Manteuffel pendant la Deuxième Guerre mondiale, était un des forts de cette ceinture de forts qui entourait Metz. Hein. Donc, si vous voulez, j'ai un peu baigné là-dedans. Et puis, il faut dire que quand j'étais gamin, moi, ce qui m'intéressait, c'était les documentaires en noir et blanc sur la Deuxième Guerre mondiale. Voilà. Donc, très tôt, j'étais fasciné par ça. Le feu, les maisons, les tanks et puis les libérateurs. Ouais. Voilà. À une période de l'histoire vraiment qui vous... Voilà. Oui. Okay. Et en particulier la Deuxième Guerre mondiale, parce qu'effectivement, dans ma région, comme vous le savez, en Lorraine, plus particulièrement en Moselle, c'est une région traumatisée qui a vécu des occupations et même une annexion, à la différence de Nancy. Et donc, si vous voulez, tous ces témoignages m'ont toujours préoccupé. Et puis, au fil des années, ça... ça mûrit. Et, vous aviez envie d'en faire quelque chose. Voilà, mais il a fallu que la retraite arrive et pour moi, le Covid, pour me mettre à l'écriture. J'ai reçu d'autres invités qui parlent aussi de différentes périodes de la guerre ou même de la Première Guerre mondiale et qui ont vraiment, mais comme vous, ancré en eux cette espèce de « je veux absolument faire un témoignage de ce qui s'est passé ou retranscrire pour les générations futures. » Oui. C'est vraiment ancré chez tous les auteurs que je rencontre et qui parlent justement de ces temps forts de la Lorraine. Donc, que ce soit les guerres, les annexions, etc. C'est vraiment, mais comme un devoir. C'est ça. Et on s'aperçoit, les gens ont la mémoire courte, surtout les jeunes, ils zappent, ils passent... Est-ce que ça se délite avec le temps? Parce qu'on n'a plus cette culture aussi de l'histoire de la région. Voilà, et puis je vois, quand j'assiste à des salons littéraires, les gens me disent, oh, encore la guerre. Bah oui, mais on le voit, c'est d'actualité. Oui. Quand j'ai écrit Exil de guerre, je ne pensais pas que 3 ans plus tard, un peuple allait malheureusement subir l'exode. Oui. Et voilà, donc je me dis, c'est toujours d'actualité. Et c'est pour ça que ce premier roman, avant de bien sûr passer au deuxième, c'est vu à travers des quatre jeunes, quatre adolescents, oui. Et puis ma mère en l'occurrence. Hein, et ces gens-là, ben, ma foi, on leur a volé leur adolescence. C'est des gens qui ont vécu la guerre pendant 6 ans. C'était oui. long, de 13 à 19 ans. Ils n'ont connu que ça. Hein, et je me et suis comme, dit... comment on se construit voilà, après. Voilà, c'est ça, comment on se construit après. Et je me suis dit, c'est important de montrer aux adolescents en particulier ce qu'est la guerre. Et je crois que le Covid s'y prêtait, oui. Même si on a parlé de guerre, pour moi ce n'était pas vraiment une guerre. Oui. Mais il faut dire que les conditions n'étaient pas... On n'était pas si éloignés. On n'était pas si éloignés, tout ouais. à fait. Hein, il y avait énormément de contraintes, voilà, on était presque assigné à résidence. Donc un contexte de guerre en quelque oui. sorte, si vous voulez. Voilà. Alors, on va passer aux Amoureux bien de sûr, Nancy. Bien sûr, oui. Alors les Amoureux de Nancy, pour moi c'est une histoire d'amour platonique. Moi j'ai trouvé cette histoire... incroyable. Ces personnes qui se rencontrent 50 ans après, il y a du sentiment, alors il y en avait eu quand ils étaient plus jeunes, mais il y a du sentiment qui s'est un petit peu transformé. J'aime beaucoup la description que fait le jeune homme dont j'ai perdu le prénom. Louis, oui. Voilà. Louis. Quand il regarde Maud et qu'il voit ses yeux 50 ans en arrière, même s'il se rend compte qu'il y a un petit peu de ride, etc. Et en lisant ce roman, je me dis, mais en fait, est-ce que ce serait pas l'histoire de l'homme avec un grand H? Mmh. Est-ce qu'on revient pas toujours à nos premières amours? Tout à fait, tout à fait. C'est à vous que je pose la question. Oui, oui, oui. Alors, effectivement... Et je me dis, ce roman, il a été écrit... Oui. Voilà, il s'adresse... Alors oui, il s'adresse évidemment à un public de lecteurs, qui soit novice ou moins novice, parce que c'est toujours un plaisir de redécouvrir Nancy, de redécouvrir l'histoire. Moi, j'aime beaucoup. Mais en même temps, je me dis, il s'adresse aussi à l'homme avec un grand H. Est-ce qu'on est fait pour... Je pense qu'au moins à un moment de notre vie, on aime avec du sentiment et de manière platonique, et il faut que ça la reste. Oui, oui, oui. Alors si vous voulez, c'est un peu à contre-courant de ce qui se fait beaucoup, actuellement. Je lis beaucoup de romans et je trouve que souvent les histoires d'amour sont glauques. Et oui. je me suis dit, je vais écrire une belle histoire d'amour, ou plus précisément d'amitié amoureuse, si oui. vous voulez. Parce que c'est une histoire d'amour, il n'y a pas de retour en face. Voilà. On sent bien que lui a été... beaucoup plus amoureux d'elle que d'elle que lui. C'est ça, ouais, voilà. Tout à fait. Ouais. Alors voilà, j'ai voulu poser un certain nombre de questions. Est-ce que l'amour est encore possible donc, quand on est sexagénaire Et alors, ce qui me fait plaisir, c'est quand des amis ou des gens que je croise lors de salons littéraires ouais. qui me disent « Ah ben, merci pour ce roman, parce que précisément, j'ai vécu cela ». Alors, je me suis dit, bon, bah, effectivement, là, des fois, là, on dit la réalité. On dit que dans la vie aussi, on peut avoir deux vies sentimentales. Oui, il y a celle qui nous est imposée, un peu comme les héros de votre roman. Tout à fait. Ça s'est un peu imposé à eux, malheureusement. Oui, je ne vais pas tout spoiler, parce que je veux vraiment que les auditeurs découvrent. Oui, tout à fait. Oui. Et puis, il y a une espèce de deuxième vie où, quand les enfants ont grandi, ont gagné en indépendance, on s'accorde le droit de voler vers d'autres cieux, peut-être plus joyeux ou plus positifs, du moins. Oui, pour, tout à fait. Enfin, voilà, c'est mon analyse quand j'ai lu votre livre. C'est peut-être pas la bonne, mais je trouve que c'est un beau message aussi d'espoir. Oui, oui, tout à fait. C'est chouette. Alors, si vous voulez, comme je disais, la guerre s'est éternisée et les gens n'avaient qu'une hâte, c'est que ça se termine. Et je me suis aperçu que ce roman-là, c'est juste l'inverse. C'est-à-dire que le temps est raccourci, c'est à peu près 24 heures. Alors là, bien sûr, je pense à Ulysse de James Joyce, hein, Bloom qui se promène dans les rues de Dublin. Donc, c'est 24 heures, mais les gens, là, ce couple, aimeraient que ça dure une éternité. Les 24 heures qui durent toujours. Voilà. Ouais, voilà. Donc, j'ai trouvé ça très chouette. C'est juste le contraire de mon premier roman. Ouais, voilà. J'ai trouvé ça très, très chouette. Oui, c'est... Alors, on va faire une première coupure musicale, Bernard, avec un morceau que vous avez choisi de Avicii, The Night. Oui. Alors, Avicii, voilà, c'est plutôt hyper moderne. Oui, j'ai découvert par hasard. Pourquoi ce titre? Le message que délivre le père au fils, profite pleinement de la vie, hein, et souviens-toi de moi, etc. Donc, une sorte d'hommage au père, et puis ce message très fort, vivre pleinement la vie, et c'est ce que le couple essaie de faire, précisément. Et de rattraper quelques décennies perdues. Et on se retrouve juste après. Once upon a younger year, when all our shadows disappeared, the animals inside came out to play. Went face to face with all our fears, learned our lessons through the tears, made memories we knew would never fade. One day my father, he told me, son, don't let it slip away. He took me in his arms, I heard him say, when you get older, your wild heart will live for younger days. Think of me if ever you're afraid. He said, one day you'll leave this world behind, so live a life you will remember. My father told me when I was just a child, these are the light a fire they can't put out, carve your name into those shining stars. He said go venture far beyond the shores, don't forsake this life of yours. I'll guide you home no matter where you are. One day my father, he told me, son, don't let it slip away. When I was just a kid, I heard him say, he said one day you'll leave this world behind, so live a life you will remember. My father told me when I was just a child, these are the nights that never die. My father told me. Prise de lecture sur Fadjet. De retour dans cette deuxième partie de Caprice de lecture dédiée à l'histoire et au voyage, toujours en présence de Bernard Metzdorf pour son roman Les Amoureux de Nancy. Bernard, est-ce que tout va bien ? Oui, tout va bien, voilà. Bon. Et puis chaque fois que j'entends cette musique, ça me fait vibrer. Bah écoutez, super. Ouais. Alors Bernard, on va revenir sur les personnages donc des Amoureux de Nancy. On l'a évoqué un petit peu avant la coupure musicale, donc Louis et Maude. Moi, je me suis demandé si c'était des personnages purement fictionnels ou s'ils ne faisaient pas un petit peu partie de votre vie personnelle. Est-ce qu'il n'y a pas un petit peu de... Vous avez raison. Un petit peu de perso. Il y a des choses qui sont bien trop riches de sentiments, je trouve, ou trop riches de sensations pour que ce ne soit que de la fiction, à mon sens. Vous êtes un véritable détective. Ah ouais. Permettez-moi de vous le dire. C'est le cas, effectivement. Je trouvais, il y avait des passages... On éprouve tellement d'empathie pour eux. Oui, oui. Je me dis, mais c'est un truc vécu. Oui, enfin, c'est-à-dire, c'est une jeune fille dont j'étais amoureux quand je faisais mes études de fac à Metz. Ouais. Je l'ai perdue de vue. Elle savait que vous étiez amoureux d'elle ? Oui. Ah, moi, oui. Je pourrais écrire de la romance toute la journée. des films. Et puis, 50 ans plus tard, elle me dit, écoute, Bernard, je voudrais te dire quelque chose. Je voudrais te rencontrer. Je dis, bah d'accord. 50 ans plus tard. 50 ans plus tard. Et sans jamais l'avoir revue. Non, on ne s'est plus revu. Non, on s'est perdu de vue. Voilà. Même par... Parce qu'après, il y a eu les réseaux, il y a non, eu tout ça. On s'est perdu de vue. Oui, carrément. Et puis, je lui ai écrit une lettre me disant, bon, bah, peut-être qu'elle va la voir. Heureusement, j'ai trouvé son adresse sur Internet. Mais qu'est-ce... Alors voilà, c'est là. Pour moi, c'est là la clé du mystère. Excusez-moi Bernard, ouais. À quel moment vous vous dites, parce que 50 ans se sont passés, ou peut-être 45 ans, je vais lui écrire, comme ça. Oui, bah, je me suis dit, voilà, j'ai envie de savoir ce qu'elle est devenue. Il n'y a pas de hasard, c'est à ce moment-là, voilà. Voyez. Alors je me suis dit, voilà. Et puis elle m'a dit, bah, voilà, je suis de passage à Metz, je veux absolument te voir. Bon, d'accord. Alors vous étiez content ? Ben bien sûr. Alors, je sors avec ma bouteille de champagne. On a bu ah ouais, carrément. Champagne Plastane. Oui, ah ouais. On a fêté ça. Et puis là, elle m'a dit, ben écoute, j'ai le cancer. Cancer du sein. Je voulais te voir avant que je subisse des chimios. Et okay. Voilà. Donc, je voulais absolument te revoir. Alors, j'ai dit, alors là, j'étais... Choc pour vous le gros, oui, vraiment choc. Ah oui hein, choc. Donc, c'est ce que j'ai voulu ici évoquer dans mon roman. Ouais. Bien sûr, ça m'a fait penser à Love Story, ce livre oui. de H. Segal qui est sorti en 1970. C'était la première fois qu'on abordait le problème du cancer, notamment chez un jeune couple. Là. Donc, c'est un film qui déjà m'avait marqué à l'époque. Et alors là, bah, encore une fois, la fiction rejoint la réalité. Puis voilà, on s'est séparés. Et puis, j'ai réfléchi à ça. Je me suis dit, bah, c'est peut-être le point de départ d'une belle histoire d'amour que c'est je vais maintenant. Écrire. Voilà. Et puis, voilà, j'ai commencé à écrire. Et puis, mes amis m'ont dit, bah, et la suite ? Bah, la suite, bah, oui. Et puis, j'ai continué comme ça, au fil de la plume. Et puis, c'est devenu un roman. Ouais. Ah, c'est super. Ouais. Alors, tout le reste, c'est de la fiction. Hein, non, mais c'est super, parce que l'histoire de base... Puis, je suis encore plus contente, je ne m'étais pas trompée. Ah, je suis ravie. Non, parce que voilà, il y a tellement d'empathie, on les suit, on éprouve des sentiments. Enfin, ouais, voilà, c'est super chouette, quoi. Oui, oui, oui. Donc, c'est chouette. Puis en plus, vous avez Vous avez pu le vivre. Oui, oui, tout à fait, oui. Et je crois qu'il y a des choses qu'il faut vivre pour, pour l'écrire. Ouais. Ça ne s'invente pas. D'ailleurs, c'est un gros problème. Quand on écrit sur la guerre, quand on n'a pas vécu la guerre, c'est très difficile d'imaginer l'angoisse, l'horreur, le problème du quotidien, ça fait un côté un peu documentaire, vous voyez, parce qu'on ne fait que relater ce que d'autres ont ressenti. Tout à fait, tout à fait. Alors le tout, c'est bien sûr la nature du roman, c'est-à-dire réussir à faire partager des émotions, des sentiments très très forts. Ah ouais, c'est chouette. Ah moi, j'ai trouvé ça très chouette. Voilà. Alors, on a parlé tout à l'heure d'exil de guerre. Oui. Donc, vous avez écrit effectivement une histoire. Moi, je trouve qu'entre exil de guerre et les amoureux de Nancy, on fait un espèce de voyage spatio-temporel. Oui. Vous aimez bien un petit peu élastiquer le temps. Oui, oui, oui. Moi, je trouve. Oui, oui, voilà. Oui. J'aime bien figer le temps. Ouais. Mais du coup, est-ce que vous avez peut-être, dans un prochain roman, une autre exploration spatio-temporel, est-ce que vous avez le projet d'écrire un autre roman? Est-ce que... L'an prochain, on aura droit à la suite des Amoureux de Nancy. Super. Parce que les gens m'ont dit que deviennent tes amoureux. J'ai dit je vais réfléchir et je me suis dit je vais les emmener à ma... Ils en disent quoi, vos lecteurs? Je l'ai délibérément laissé une fin ouverte pour inviter le lecteur à deviner ce qui va certains, se passer. Est-ce que certains, parce que vous faites des salons, est-ce que certains vous disent « Mais enfin, Bernard, c'est inadmissible, il ne faut pas nous laisser comme ça. » Ou d'autres vous disent « Mais pourquoi ça se termine comme ça ?» Oui, certains aimeraient que ça aboutisse, si je puis dire. Ouais. Et puis non, moi, je suis partisan d'une fin ouverte pour les romans. Je laisse au lecteur le soin d'imaginer. Dans les deux cas, effectivement, vous laissez la porte ouverte. C'est soit les gens vont se dire « Chouette, il va y avoir une suite. » Tout à fait. Ou alors à moi d'imaginer la fin. Voilà. À moi, lecteur. Voilà. Donc, je vais emmener mes amoureux à Metz. Super. Et puis, j'ai un quatrième en route, un polar. Voilà. Ah, super. Encore alors, mieux. J'ai voulu passer à autre chose. Un polar, carrément. Ah, c'est bien. Oui, c'est chouette. Il faut varier. Je crois. Voilà. Il ne faut pas s'enfermer dans On connaît une date de sortie approximative ou c'est encore, le polar, un projet j'espère que ça. Alors, le roman, la suite, c'est l'an prochain. Voilà. D'accord. Le contrat est quasiment signé. Donc, toujours à la geste? Toujours la geste. D'accord. Oui. Et le suivant, ça sera un polar et ça sera la geste. Ça sera le quatrième. Super. Vous reviendrez nous en parler? Mais avec plaisir. Oh, écoutez, super. Alors, on va faire une deuxième coupure musicale. On s'éloigne d'Avicii. Oui. Puisque nous allons rejoindre Frédéric Chopin pour la Polonaise. Alors, pourquoi ces deux choix? Je trouve ça intéressant, comme ça, quand il y a des choix un peu clivants comme ça. Oui, très différents, oui. Alors, j'aime beaucoup la musique classique, et en particulier Chopin. Et ça correspondait à des moments d'écriture. C'est-à-dire que les passages où les protagonistes sont tourmentés, j'ai préféré privilégier Chopin, ça correspondait tout à fait à l'humeur. Ouais. Et puis, par exemple, une espèce de road movie, quand ils se retrouvent dans la voiture et qu'ils partent découvrir la région. Ça me faisait un peu penser à Thelma et Louise. Voilà. Et puis, c'est là il me fallait Avicii. Donc, Et il faut dire que, pour moi, c'était extraordinaire, parce que j'écoutais cette musique en boucle. Et dans les deux cas, je trouvais ça envoûtant et propice à l'écriture. Et on se retrouve donc juste après Frédéric Chopin. Thank you. Caprice de lecture sur Fadjet. Troisième et dernière partie d'émission, donc avec les amoureux de Nancy de Bernard Metzdorf, qui est resté avec nous. Bernard, donc c'est que ça va bien toujours? Oui, tout se passe bien, okay, merci. Ok, super. Alors Bernard, vous nous avez apporté un petit caprice de lecture. Oui. Est-ce que vous voulez bien nous en parler et nous le faire découvrir? Voilà, alors c'est un petit fascicule qui s'adresse à un public très large, hein, je dirais de 7 à 77 ans et même au-delà, et qui s'appelle Matin Brun de Frank Pavlov. Okay. Alors il date déjà, hein, 2005 je crois, mais c'est quelqu'un qui me l'a présenté il y a à peu près un an et vraiment c'est un régal. Il est très court, okay. Mais le message est très très fort. D'accord. Très, très fort. Vous pouvez voilà. nous en dire deux oui, petits oui, alors mots. Si vous voulez, en deux mots, ouais. C'est l'histoire d'un ami, donc le narrateur, qui apprend de son ami que celui-ci va faire piquer son chien. Alors il est surpris. Ah bon, tu fais piquer ton chien, il est malade. Non, non, non, mais voilà, il n'était pas brun. Ah bon? Bah oui, voilà, c'est un labrador, il était noir. Ah bon? Ah ben moi, j'ai fait piquer mon chat qui était noir et blanc il y a un mois. Et bon, on m'a conseillé aussi de le faire piquer. Alors je ne pensais pas qu'on allait aussi demander de piquer les chiens. Hein. Bon, et puis d'un coup... le journal local est interdit parce qu'il défend la cause des chiens de toutes les couleurs. Ensuite, c'est les réseaux sociaux qui sont interdits. Ensuite, c'est un... Il n'y a plus qu'un journal officiel, si vous voulez, Les Nouvelles Brunes, qui fait passer le message qu'effectivement, il n'y a plus que les chiens et les chats bruns qui sont désirables. Et puis, pour ce qui concerne la bibliothèque, eh ben, là aussi, les livres sont censurés quand ils parlent de chiens. Sans préciser la couleur du chien brun. Donc, voilà. Et grande surprise du narrateur, il se demande ce qui se passe. Et puis, bah, finalement, on va terminer nos phrases par brun. Alors, ça va faire un peu bizarre de boire du pastis brun. Ah hein, oui. Voilà, hein, puisque c'est quelqu'un du Sud. Oui. Et puis, il s'habitue, comme son copain, il se dit, bah, finalement, il ne faut pas s'inquiéter, c'est un sentiment de sécurité. Et puis, on se sent en règle. Et puis, finalement, le narrateur, il décide aussi à acheter un chien brun. À la grande surprise de okay. son ami. Hein. Donc, ils se rendent chez son ami, ils rentrent dans l'appartement, l'appartement est perquisitionné, et puis en fait, ils se rendent compte que, ben, il avait certes un chien brun, mais avant, il avait un chien noir. Et là, c'est un délit. Rétroactivement, c'est, okay. c'est un délit. Hein. Voilà, je ne raconte pas la fin, mais vraiment, vous lisez ça. Vous en êtes bouleversé et c'est un message politique très très oui. fort. Hein? D'accord, mais qui est accessible aux enfants, aux Tout ados fait. Et aux adultes. On peut lire à tous les niveaux. D'accord. Et voilà, ça interpelle le lecteur, le jeune lecteur, comme le lecteur plus âgé. Et vraiment, c'est un message très très fort qui est okay. passé par ce monsieur Frank Pavlov. Et vraiment, je conseille vivement aux gens de l'acheter pour la modique somme de 2,50€. Effectivement. Ouais. Alors Bernard, pour terminer, où est-ce qu'on peut retrouver votre actualité? Sur les réseaux ou par réseau? Alors, votre actualité? Je suis sur Facebook pour D'accord. l'instant. Et là, on peut se tenir au courant de mes voilà. interventions. On peut vous poser des questions sur Messenger, tout ça, tout sur les romans et oui, tout. Oui, tout okay. à fait. Je D'accord. suis à disposition des lecteurs, des lectrices. Super. Merci beaucoup Bernard prie, pour ce Sarah, temps. Merci beaucoup. C'était super. Je rappelle le titre de votre deuxième roman, Les Amoureux de Nancy, à bientôt Place Stan, édité aux éditions La Geste. Ce fut un vrai plaisir. Merci. Et c'est encore. Réciproque. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt au revoir. Au revoir.